C'est l'un des grands mystères de la première guerre du Golfe, c'est-à-dire celle qui a opposé pendant 8 longues années l'Irak et l'Iran. Une guerre particulièrement meurtrière. En mai 1987, un navire de patrouille états-unien croisant dans le Golfe, le Stark, est victime d'une attaque de missiles. 37 marins sont tués. L'agresseur est assez vite identifié. Contre toute attente, il s'agit de l'Irak, alors même que de longue date, Bagdad bénéficie d'un soutien actif de Washington en matière de fourniture d'équipements militaires. Est-ce que cette violente agression va modifier le jeu diplomatique ? Est-ce que les États-Unis, comme ils en ont souvent l'habitude, vont procéder à des représailles et punir les Irakiens ? Pas du tout. Saddam Hussein présente des excuses immédiatement acceptées par le président Reagan. Et on en reste là. Mieux, on assiste au contraire à un rapprochement entre les deux États. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi un pilote irakien a-t-il ouvert le feu contre un bâtiment états-unien ? S'agit-il d'une méprise ? Et comment expliquer l'absence de réaction américaine dont la marine n'a pourtant jamais été aussi durement frappée depuis 1967. Et enfin, cette passivité s'explique-t-elle par les embarras de Ronald Reagan empêtrés dans le scandale de l'Iran Gate ? Monsieur X revient sur tous ces mystères dont le moindre, on le verra, n'est pas la nature de l'avion qui a frappé le Stark. L'occasion aussi d'examiner avec un œil neuf cette sanglante guerre du Golfe. L'agression contre la frégate Stark fait irrésistiblement penser à l'attaque dont a été victime le bâtiment de télécommunications états-unien Liberty en 1967. Ah oui, c'était au cours de la guerre des six jours, ça. Et là ouais. Aussi, plus de 30 marins avaient été tués. Ouais, et on sait maintenant que c'est l'allié israélien qui a bombardé ce navire ami. Oui, rappelez-vous, nous y avions consacré un entretien. Et même aujourd'hui, l'affaire n'a toujours pas été réellement éclaircie, même si on peut penser que les militaires israéliens voulaient conduire leur offensive contre les pays arabes dans la plus grande discrétion possible, c'est-à-dire à l'abri de toute écoute. Même si, en l'occurrence, sur le Liberty, les oreilles étaient amies. Oui, et notez-le bien, comme dans l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas exercé de représailles contre l'agresseur. Mais l'alliance israélo-américaine n'a ensuite jamais été aussi étroite. Ouais, et vous estimez donc que la comparaison entre ces deux attaques est justifiée? J'observe en tout cas qu'à la suite de l'agression contre le Stark, la politique états-unienne dans le Golfe a pleinement satisfait l'Irak. J'y reviendrai. Auparavant, si vous me le permettez, je vous propose de faire un point sur cette première guerre du Golfe et la situation politique et militaire en 1987. Ouais. Tout a commencé en 1980. En effet. Ouais. Mais il y avait longtemps, bien avant la chute du Shah d'Iran en 1979, que des différents territoriaux opposaient l'Irak et son voisin perse. Essentiellement à cause du partage du Châtel al-Arab. Un rappel peut-être? Le Châtel al-Arab est un large cours d'eau de presque 200 km de long et qui résulte de la confluence du Tigre et de l'Euphrate. C'est aussi une région très fertile et pour l'Irak, la seule ouverture sur la mer. Donc un accès indispensable. À commencer pour l'exportation du pétrole irakien. En tout cas, cela faisait donc longtemps que Téhéran et Bagdad se disputaient à propos du partage du Châtel al-Arab, la rivière des Arabes selon la traduction littérale. Et les incidents frontaliers étaient nombreux autour des territoires contestés, malgré des accords qui avaient été précédemment signés sous les auspices du gouvernement algérien. Alors, inévitablement se pose la question, qui a commencé? Comme toujours, les deux parties se rejettent la responsabilité du déclenchement du conflit. Mais objectivement, il semble bien que ce soit Bagdad qui ait ouvert les hostilités en violant les accords passés. Par une agression militaire donc? Oui, dans la région d'Abadan, le port pétrolier iranien qui se trouve dans une île à proximité de l'embouchure du Châtel al-Arab. Et très vite, la confrontation prend une coloration passionnelle et nationaliste. C'est la vieille rivalité là, entre Perses et Arabes. Oui, et la propagande irakienne fait de Saddam Hussein un nouveau Saladin, tandis qu'on rappelle qu'autrefois, les armées arabes ont vaincu les Perses sassanides. Tout ça est assez traditionnel. Donc. Tout à fait. Et de son côté, l'ayatollah Khomeini dénonce une agression satanique et prêche la guerre sainte. Bon, ça aussi, ça n'est pas très inattendu. Bien sûr. L'ONU essaie de s'entremettre, en vain. Car à Bagdad, Saddam Hussein est certain d'emporter rapidement la victoire. C'est une illusion. Ou tout le moins, une estimation erronée des capacités militaires des Iraniens et de leur patriotisme. Tout le pays fait front derrière Khomeini. Conséquence, les Iraniens résistent avec efficacité et on s'installe dans une guerre d'usure. Qui va donc durer 8 ans. Et souvent, on aura l'impression de voir se répéter une nouvelle guerre de 14-18. Oui, c'est une guerre de position. C'est ça. C'est-à-dire un conflit très coûteux en vies humaines et en argent. Car il faut sans cesse renouveler des équipements militaires. À tel point que Saddam Hussein se rend compte assez vite que l'économie de son pays ne pourra pas supporter une charge aussi lourde. Il cherche donc la paix. Mais il est trop tard, car en 1982, le sort de la guerre change de camp. Et les forces iraniennes réussissent même à percer les lignes ennemies dans le secteur de Bassora. Ça, c'est au sud de l'Irak. Et en même temps, Téhéran lance une offensive au nord, dans la région du Kurdistan irakien. L'objectif étant bien sûr de menacer les champs pétrolifères de Kirkuk. En tout cas, la situation de Bagdad devient de plus en plus précaire. Et Saddam Hussein propose de revenir aux frontières telles qu'elles avaient été définies quelques années plus tôt par les accords d'Alger. Ouais. Réaction de Téhéran? Khomeini, qui se sent en position de force, refuse tout compromis. Et pourtant, la guerre est très meurtrière. En 1983, les experts militaires estiment que des centaines de milliers de combattants ont déjà péri. Et les instances internationales alors? Toutes leurs tentatives de paix ont échoué. Mais il est évident que les grandes puissances ne pourront pas ne pas se mêler d'une façon ou d'une autre de ce conflit. Car toujours en 1983, au beau milieu de l'été, Téhéran menace de paralyser la navigation dans le Golfe. Et donc l'approvisionnement en pétrole. Un aspect qui préoccupe particulièrement les États-Unis, qui sont étroitement dépendants du pétrole moyen-oriental. Oui, mais que peuvent-ils faire? D'abord accroître leur aide à Bagdad. Et à la fourniture d'équipements militaires. Et ce faisant, les Américains marchent sur les brisées des Français, qui sont, avec les Soviétiques, les principaux fournisseurs de Bagdad. Enfin, nous verrons cela un peu plus tard. Pour Washington, mais aussi pour la plupart des puissances occidentales et des pays arabes riverains du Golfe, il y a aussi la crainte de la contagion chiite. Mais vous parlez là de l'aide états-unienne à l'Irak. Mais c'est aussi à peu près à la même époque que se met en place le fameux réseau de l'Iran Gate. C'est-à-dire la livraison clandestine d'armes à Téhéran via Israël. Ah oui, oui. Des opérations fructueuses qui permettent parallèlement de financer les rebelles nicaraguayens. Oui, les contras. Enfin, n'y revenons pas, c'est un dossier que nous avons traité il y a déjà fort longtemps. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que Washington a alors adopté une position parfaitement machiavélique. Expliquez. Dans cette affaire, les États-Unis ne veulent ni vainqueur ni vaincu. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger le reconnaîtra assez cyniquement en déclarant « Nous voulons qu'il continue à s'entretuer le plus longtemps possible ». Ah oui, c'est difficile d'avouer plus crûment la duplicité de la politique américaine. Hein. Toutefois, l'aide consentie clandestinement à l'Iran est sans commune mesure avec celle que Washington a apportée à Saddam Hussein. Enfin, encore une fois, je vous demande un petit peu de patience. Et puis, voyons comment ce conflit évolue sur le terrain. En 1984, Bagdad engage ce que l'on va appeler la guerre des villes. Ce qui signifie Les Irakiens lancent des missiles sur les cités iraniennes. Et ce sont naturellement les civils qui payent le prix fort. Autre terrible nouveauté, l'armée irakienne utilise à grande échelle des obus chimiques. Oui, ça c'est une première depuis la Grande Guerre. Hein. Et les conséquences sont particulièrement dévastatrices pour les vagues de soldats que Téhéran lance à l'assaut des lignes irakiennes. Et dans cette affaire dramatique, il faut aussi souligner la responsabilité de certaines firmes européennes qui ont permis à Bagdad de se doter de ces armes chimiques. Simultanément, la guerre fait aussi rage en mer, où les Irakiens s'attaquent aux pétroliers qui transportent l'or noir iranien. Et bientôt, ce seront les Iraniens qui s'en prendront aux tankers koweïtiens. Oui, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre des tankers. Ce qui va déterminer les grandes puissances, mais surtout les États-Unis, à envoyer des bâtiments militaires dans le Golfe. Oui, pour sécuriser les approvisionnements. Évidemment. Mais les bateaux du Koweït, pourquoi ? Parce que Téhéran accuse l'Émirat de soutenir Bagdad. Mais si je vous comprends bien, alors, aucun des camps ne semble en mesure de l'emporter sur le terrain. Hein. Et c'est pourquoi en janvier 1987, Téhéran recourt une nouvelle fois à une offensive massive dans le sud de l'Irak. Oui, ce sont ces vagues humaines de soldats iraniens là, qui viennent se briser contre le dispositif militaire irakien. Hein. Pendant 5 longues semaines, avec un bilan effroyable, de la chair à canon que le régime de Téhéran exploite sans grand scrupule et sans se préoccuper outre mesure de l'importance des pertes humaines. Et on en est là lorsqu'en mai 1987, la frégate américaine Stark subit 2 tirs meurtriers de missiles. Une affaire assez mystérieuse qui va radicalement changer la donne de cette première guerre du Golfe. Rendez-vous avec X. Une observation avant de poursuivre. Au début du printemps 1987, la région du Golfe, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman, fourmille de bâtiments de guerre. Une véritable armada internationale que le Figaro recense ainsi, à commencer par les navires soviétiques. Un destroyer lance-missile de la classe Kachin avec 300 hommes d'équipage et un armement sophistiqué. 3 dragueurs ou chasseurs de mines de type Natia transformés en escorteurs. 3 bâtiments logistiques qui peuvent assurer l'accueil et le ravitaillement des sous-marins. Pour leur part, les États-Unis disposent de 3 frégates de type Stark patrouillant le long des côtes des Émirats et d'Arabie Saoudite, d'un navire d'appui logistique, le Lassal, au mouillage à quai à Bahreïn, et de nombreux avions d'observation AWACS récemment cédés aux Saoudiens et encore pilotés par des équipages américains. La Grande-Bretagne a mobilisé 2 frégates et un navire auxiliaire qui se trouvent au mouillage en pleine mer symétriquement à la position des Soviétiques par rapport à Hormuz. L'Iran compte sur une demi-douzaine de patrouilleurs lance-missiles bien équipés, plus des vedettes rapides et des embarcations montées par des gardiens de la Révolution armés de lance-roquettes RPG et de mitrailleuses capables d'effectuer des attaques surprises contre les pétroliers. Enfin, la France a envoyé un escorteur rapide qui effectue des pénétrations régulières dans le Golfe. Avant de parler plus précisément de l'attaque menée contre la frégate Stark, je vous propose de voir dans le détail l'évolution dans le temps des rapports entre l'Irak de Saddam Hussein et les États-Unis. Des rapports qui furent d'abord très, très distants, enfin, sinon hostiles. Hein. C'est exact. Et d'abord parce que Washington avait rangé l'Irak dans la liste des pays soutenant le terrorisme. Avec des raisons sérieuses ? Ce qui irritait surtout les Américains, c'était le soutien et même la protection que Bagdad accordait au terroriste Abu Nidal. Abu Nidal qui était hébergé par l'Irak. En effet, c'était inacceptable pour Washington qui lui reprochait d'avoir perpétré de nombreux attentats contre des citoyens états-uniens. Cependant, les changements introduits à Téhéran en 1979 devaient peu à peu pousser les États-Unis à se montrer moins intransigeants. Vous voulez parler de la prise du pouvoir par les ayatollahs, là. Et de l'humiliation bientôt subie par Washington avec l'occupation de son ambassade de Téhéran. Et la prise d'otage du personnel diplomatique qui s'y trouvait. Et une affaire excessivement grave et qui, habilement exploitée par le clan Reagan, finira par coûter au président Carter sa réélection à la Maison-Blanche. Mais auparavant, dès la chute du Shah d'Iran, les autorités états-uniennes envisagent de procéder à un changement de leur politique au Moyen-Orient. Ah oui, parce que le Shah était en quelque sorte le pivot de la politique américaine dans la région. Et même si les États-Unis portent une lourde responsabilité dans sa destitution, ils réalisent que la révolution islamique opérée à Téhéran les oblige à une révision radicale. Et ils commencent alors tout de suite à lorgner du côté de Bagdad ? Et pour plusieurs raisons. D'abord, la région ne dispose plus de ce puissant gendarme régional qu'était l'Iran. D'autre part, leurs alliés du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite, sont très effrayés par le risque de contagion chiite à partir de l'Iran. Ensuite, il leur faut tenir compte des manigances soviétiques. 1979, je vous le rappelle, c'est aussi l'année où l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Un nouvel élément de frayeur. Hein. Aussi, Washington met tout en œuvre pour obtenir que la plupart des pays arabes condamnent cette invasion. C'est d'autant plus important que les soviétiques ont aussi marqué un point au sud de la péninsule arabique avec l'instauration d'un régime marxiste au sud Yémen. Enfin, il faut noter qu'au même moment, Saddam Hussein parfait sa conquête du pouvoir en contraignant le président Ahmad Hassan al-Bakr à prendre sa retraite. Saddam Hussein était déjà l'homme fort de l'Irak. Certes, mais maintenant il est le numéro 1 titre. Et très vite, il a manifesté son désir de se rapprocher de Washington. Oui, c'est bizarre parce que l'Irak jusqu'alors achète une partie de ses armes en URSS. C'est vrai, mais à la Maison-Blanche, on comprend aussitôt qu'il y a là une formidable carte à jouer en faisant de Saddam Hussein à la fois le champion de l'anticommunisme dans la région, mais aussi celui de la lutte contre le radicalisme islamiste. Un contre-feu régional, en sorte. Oui, c'est l'idée qui germe dans le cerveau du tout-puissant conseiller de Jimmy Carter pour les affaires de sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski. Et bien sûr, ce n'est pas des nuits d'arrière-pensée qui ne doivent rien à l'idéologie. Ce qui veut dire La contagion islamique, c'est le problème de l'Arabie Saoudite et des Émirats du Golfe. Les Américains, eux, pensent d'abord au pétrole moyen-oriental dont ils sont étroitement dépendants. Une ressource essentielle qu'ils veulent absolument sauvegarder. Et que l'expansion iranienne pourrait menacer. Aussi, Assez rapidement, les Américains vont nouer une véritable alliance stratégique avec les dirigeants irakiens. Ce dont Saddam Hussein n'a pu que se réjouir. Oui, parce que cela lui conférait une dimension nouvelle et que ça lui permettait même de prétendre au leadership du monde arabe, puisqu'à la suite des accords de Camp David, l'Égypte de Sadat avait été mise au banc de ce même monde arabe. Ouais. Mais c'était aussi encourager la paranoïa de Saddam Hussein. Hein. Bien sûr, mais il y avait plus grave. Si le dirigeant irakien attaquait l'Iran, c'est qu'il était certain d'agir en accord avec Washington pour qui la lutte contre l'islamisme devenait une priorité. Vous voulez dire que Saddam Hussein a reçu le feu vert de Jimmy Carter ? Oh, les choses ne sont pas toujours aussi explicites. Mais oui, oui, je suis persuadé qu'à travers un certain nombre de signes, les diplomates états-uniens lui ont fait comprendre qu'il ne serait absolument pas hostile à l'engagement d'un conflit contre l'Iran de Khomeini. Ah, d'accord, mais cet encouragement-là, c'est traduit concrètement ? Le fait que l'Irak était toujours sur la liste des pays soutenant le terrorisme international était un sérieux obstacle. Mais dans la coulisse, les Américains se sont débrouillés pour passer outre. Dès 1980, et malgré l'opposition du Congrès, la Maison-Blanche a accepté que 5 Boeing soient vendus à Bagdad. Puis un peu plus tard, et avant même le déclenchement de la guerre, que des composants électroniques sensibles soient fournis à l'Irak via une société italienne. Ça, c'est déjà plus probant. Effectivement. Hein. Et le mouvement est lancé. Il ne s'arrêtera pas avant des années. Ce soutien à l'Irak s'accroît même lorsque les soviétiques désapprouvant l'agression irakienne contre l'Iran prennent la décision de ne plus livrer d'armes à Bagdad. Ah oui, bah, il est donc tentant de les remplacer. Naturellement. Et le nouveau président états-unien, Ronald Reagan, est complètement d'accord avec cette inflexion politique. Dès mars 1982, l'Irak disparaît de la liste des pays voyous pour reprendre la terminologie qui sera plus tard utilisée par George W. Bush. Sans contrepartie ? Bagdad fera à son tour un geste en demandant aux 3 voyants à Abu Nidal de faire ses valises. Un divorce à l'amiable, en somme. On peut donc vendre, à partir de ce moment, à l'Irak, des équipements militaires en toute impunité. Hein. Exactement. Mmh. Et ça commence par la vente d'hélicoptères. Une opération de troc, car les appareils sont payés en livraison de pétrole. C'est le début d'une extraordinaire course aux armements qui va lourdement endetter l'Irak et qui sera indirectement à l'origine de la deuxième guerre du Golfe en 1991, celle qui opposera une impressionnante coalition internationale à Saddam Hussein. Après l'annexion irakienne du Koweït. Hein. Mais n'est-ce pas, n'allons pas trop vite. Hein. Si vous le dites. En 1982, après les premiers succès militaires irakiens, l'armée iranienne redresse la tête et passe à son tour à l'offensive. À Washington, on s'est dit alors qu'il est urgent de venir au secours de Bagdad. La décision s'impose d'autant plus qu'un véritable lobby pro-irakien s'est constitué aux États-Unis. Il regroupe d'importantes sociétés appartenant au complexe militaro-industriel. Mais plus curieusement, il compte aussi dans ses rangs des représentants du monde agricole. Oui, c'est effectivement plus surprenant. Hein. Et ça s'explique aisément. Après l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, Washington a décrété un embargo sur les livraisons de denrées alimentaires à destination de l'URSS. C'est un sérieux manque à gagner pour les agriculteurs américains du Middle West. Il leur faut donc trouver rapidement des solutions de remplacement. Oui, des nouveaux clients, quoi. Et justement, l'Irak a besoin de riz et de blé. Le puissant lobby agroalimentaire états-unien pèse donc de toutes ses forces sur les autorités de Washington pour que des prêts soient consentis à l'Irak. Des prêts pour acheter du riz et du blé. Des prêts garantis par Washington. Et va y en avoir pour des centaines de millions de dollars. C'est très important, car cet approvisionnement alimentaire permet à Saddam Hussein de conforter une population qui souffrait déjà des restrictions de toutes sortes imposées par la poursuite de la guerre. Alors, Washington soutenait donc ainsi le moral des Irakiens. Et les Américains ont aussi encouragé leurs alliés arabes de la région à aider financièrement l'Irak en lui prêtant de l'argent. Ce qui va encore augmenter la dette de Bagdad, hein, qui conduit la guerre à crédit. Et encore une fois, ça pèsera très lourd dans le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe. Car les prêteurs, en voulant récupérer leur argent, pousseront Saddam Hussein à la faute. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Confirmation des derniers propos de M. X dans le livre d'un spécialiste, Pierre-Jean Luisard, auteur de La question irakienne, publié par Fayard. Extrait. En septembre 1983, Richard Murphy quitte son poste d'ambassadeur en Arabie Saoudite qu'il occupait depuis 1981 pour remplacer Veliotz comme sous-secrétaire d'État pour le Proche-Orient. Murphy était plus proche des Saoudiens que de Bagdad. Mais, comme les Saoudiens, il pensait que sans Bagdad, la révolution islamique aurait sérieusement menacé les monarchies pétrolières du Golfe. Il était favorable à l'affaiblissement de l'Iran et au soutien de l'Irak, politique qui nécessitait des crédits et des armes occidentales. L'Irak reconstruisait ses réseaux d'exportation et l'Arabie et le Koweït lui livraient déjà leur pétrole à crédit permettant à Bagdad de maintenir ses revenus pétroliers. Murphy engagea les dirigeants du Golfe à aller plus avant dans leur soutien financier à Bagdad. Les livraisons de blé à l'Irak ne pouvaient bien sûr pas suffire à permettre à Bagdad de résister efficacement à l'armée iranienne. Bah oui. Il fallait donc aller plus loin. Et ça commence par une importante contribution militaire à l'effort de guerre irakien. Les avions américains AWACS, basés en Arabie Saoudite, ont désormais pour mission de donner des renseignements très précis aux forces irakiennes. Des renseignements sur le champ de bataille. Et dans le même esprit, Washington demande à tous ses alliés de vendre des armes à Saddam Hussein. La France, bien entendu, va se trouver au premier plan. Mais si vous le permettez, j'aborderai ce point particulier un peu plus tard, car au cours de cette décennie 80, notre pays a été l'un des plus fidèles soutiens de l'Irak. Et ça ira même si loin que la France sera impliquée dans l'attaque menée contre la frégate états-unienne Stark. Mais de quelle façon, là ? Bon, encore un petit peu de patience. Ah, oui. Mais il y a aussi des aspects plus préoccupants. Je vous ai parlé des armes chimiques utilisées par Saddam Hussein pour anéantir les vagues humaines de soldats iraniens lancés contre les positions irakiennes. À l'époque, Bagdad ne dispose pas de la technologie nécessaire à la fabrication de ces ADM, ces armes de destruction massive. Les Irakiens doivent donc importer les secrets de fabrication, mais aussi les substances chimiques qui permettent de les produire. Et ce sont des firmes européennes, belges et allemandes, qui emportent le marché, avec la complicité de Washington qui ferme les yeux sur ces exportations criminelles. Mais la France aussi participe à cette prolifération d'ADM en aidant l'Irak à se doter d'installations nucléaires. C'est parfaitement exact. Mais il s'agit d'un véritable jeu de dupes. Car je suis certain que Paris n'a pas été fâché d'apprendre que des bombardiers israéliens ont rapidement mis fin aux activités du premier réacteur expérimental installé en Irak. Elle mettait fin à une dangereuse coopération nucléaire instaurée en 1975 par le gouvernement Chirac. Et Mitterrand, alors, tout en multipliant les déclarations d'amitié à Saddam Hussein, se gardera bien de reconduire cette coopération et fera traîner les choses tant et si bien que le réacteur ne sera pas reconstruit. En effet. Mais revenons au rapport entre les États-Unis et l'Irak. Malgré les efforts américains pour venir en aide à Saddam Hussein et lui permettre de résister à l'irrésistible poussée iranienne, il restait une question de taille à régler. Les deux pays n'avaient toujours pas de relations diplomatiques officielles. Pas d'ambassadeur, non. Or, les Irakiens, qui avaient envie de se refaire une vertu, voulaient absolument rentrer dans le jeu international via cette reconnaissance américaine. Et la position de Washington ? La Maison Blanche, on n'y était pas hostile. Après tout, un échange d'ambassadeurs scellerait un rapprochement où les industriels et les agriculteurs états-uniens auraient tout à gagner. Et le lobby arabisant de Washington se démenait de toutes ses forces pour aboutir à ce règlement diplomatique. Mais les Irakiens, bien que fortement demandeurs, avaient aussi leurs exigences. Quoi ? L'épine, c'était les fournitures clandestines d'équipements militaires à destination de Téhéran. Parce que les Irakiens étaient au courant. Bien évidemment, car ils ne manquaient pas d'amis dans la capitale américaine. Ces approvisionnements se faisaient d'abord au marché noir, où les Iraniens pouvaient trouver des pièces nécessaires à la maintenance de leur matériel. Mais des matériels hérités de l'époque du Shah d'Iran, donc essentiellement américains. Et il ne fait nul doute que les autorités états-uniennes fermaient les yeux et laissaient faire. Mais il y avait aussi, nous avons évoqué ce point plus haut, ce réseau de l'Iran Gate. Mais par l'intermédiaire des Israéliens. Oui, le système était très sophistiqué. Israël sortait par exemple de son arsenal des missiles d'origine américaine et s'arrangeait pour les acheminer jusqu'à Téhéran. Et en retour, les Américains remplaçaient ces matériels exportés vers l'Iran. Ah ouais, ni vu ni connu quoi. Et enfin, je ne vais pas me répéter, ce trafic clandestin permettait aux dirigeants états-uniens d'équilibrer les forces des deux belligérants. Ouais, à peu près. Et faire en sorte, en tout cas, que le conflit dure le plus longtemps possible. Pour le plus grand bénéfice des grands industriels de l'armement et des marchands de mort. Ouais. Mais disiez-vous, là, à l'occasion de la reprise des rapports diplomatiques, Bagdad a exigé que les États-Unis cessent de fournir des matériels militaires à l'Iran via leur allié israélien. Est-ce que Washington pouvait accepter ? Sans nul doute, parce que le jeu en valait la chandelle, tant l'Irak apparaissait comme un marché prometteur. Saddam Hussein était un acheteur d'armes boulimiques, et il lui en fallait toujours plus. Et d'où le mythe alors développé lors de la deuxième guerre du Golfe, présentant l'armée irakienne comme la quoi, quatrième ou cinquième du monde, hein ? Une affirmation parfaitement mensongère, car il ne suffit pas de posséder un immense arsenal. Encore faut-il savoir s'en servir et de disposer des hommes capables de l'utiliser. Mais je reviens à ce que je disais. Les États-Unis ont promis de ne plus fournir d'armes à l'Iran et les relations diplomatiques ont été renouées entre les deux pays. Promesse tenue ? Non, ça c'est autre chose. Les marchands d'armes ont mille et une ficelles pour tourner les embargos. Et je vous rappelle que le scandale de l'Iran Gate n'éclatera qu'en 1986, 2 ans après le rétablissement des relations diplomatiques. En tout cas, cette volte-face états-unienne a été spectaculaire puisque l'Iran a été aussitôt rangé dans la liste des pays soutenant le terrorisme. Bah, il a pris en quelque sorte la place de l'Irak. Parfaitement. Mmh. Et rapidement, à partir de 1984, on a vu fondre sur Bagdad une nuée d'hommes d'affaires américains qui se sont empressés de vendre à la fois leurs produits et leurs technologies. Donc avec l'assentiment de la Maison-Blanche. Bien entendu. C'était d'autant plus évident qu'on a assisté alors, comme on le verra plus tard, sous le règne de George Bush Jr., à une confusion perverse entre les responsables politiques et les grandes entreprises. Ouais, le système des vases communicants. C'est ça. Quoi qu'il en soit, cette ouverture commerciale sans précédent a permis à Bagdad de se doter d'équipements extrêmement sophistiqués. Et par exemple alors ? Des ordinateurs destinés à faire fonctionner les radars ou les missiles balistiques. Et cela en parfaite contradiction avec la politique officielle de Ronald Reagan qui proclamait qu'il fallait mettre fin à la prolifération de ce type d'armes dans les pays du tiers-monde. Ouais, de peur qu'un jour des bombes nucléaires ne soient placées sur ces missiles. Bien sûr. Mmh. Mais aux États-Unis, personne n'a pris conscience du danger qu'il y avait à mettre entre les mains de Saddam Hussein des armes aussi redoutables. Certains dirigeants plus lucides que d'autres ont perçu ce danger. Mais les diverses administrations américaines se repassaient la patate chaude. Et c'était toujours la faute de l'autre. Et puis il fallait compter avec ce puissant lobby pro-irakien qui s'était constitué. Un lobby bientôt rejoint par les pétroliers qui lorgnaient sur les formidables ressources de l'Irak. Mmh, les troisièmes au monde, je crois. C'est exact. Mmh. Donc rien ne pouvait freiner l'appétit des grandes entreprises américaines. Et Israël, l'État hébreu pouvait légitimement s'inquiéter de la montée en puissance militaire de l'Irak, son ennemi de toujours. Certes, mais il n'y avait qu'un argument pour apaiser les Israéliens. C'était de les persuader que l'Iran était encore plus dangereux pour eux que l'Irak. Peut-être, mais l'Irak était quand même géographiquement plus proche d'Israël que l'Iran. Je suis d'accord. Et en Israël, on a dû plus d'une fois grincer des dents. Mais on devait se consoler en se disant que les États-Unis restaient le plus sûr allié d'Israël. Mmh. Autre question importante là, vous avez déjà évoqué l'endettement irakien. Mais avec ces nouvelles livraisons, là, il n'a fait que grossir. Ben forcément, d'autant qu'à l'époque, vous devez le savoir, Bagdad consacrait déjà plus de 60% de ses revenus à l'achat d'armes. Mmh. Le gouvernement irakien vivait donc à crédit. Hein. Mais Saddam Hussein en avait cure. Après tout, pensait-il, non sans raison, il faisait la guerre aussi pour les États-Unis. Et puis Washington déversait déjà des centaines de millions de dollars sur ses deux protégés, l'Égypte et Israël. Pourquoi n'aurait-il pu avoir sa part du gâteau ? Ça sous-entend déjà que le dictateur irakien considérait ses prêts qui lui étaient consentis comme des dons, hein, des sommes qu'il ne rembourserait jamais. Car une fois la guerre terminée, on lui saurait gré d'avoir combattu les armées des ayatollahs et l'ardoise serait ipso facto effacée. C'est ce qu'il pensait, en effet, sans se rendre compte que les États-Unis le soutenaient comme la corde soutient le pendu. Ah ouais, et un jour viendrait forcément où la corde serait coupée. Obligatoirement. Mais Saddam Hussein pouvait légitimement croire que l'alliance américaine ne se démentirait jamais. La preuve, c'est que Washington fermait pudiquement les yeux sur tous les forfaits qu'il commettait. Voilà, l'utilisation de l'arme chimique, par exemple. Oui, et notez bien que l'administration états-unienne réagira à peine lorsque Saddam Hussein gazera les populations kurdes d'Alabja en 1988. Mais il faut dire qu'au même moment, le trust américain Bechtel signait des contrats mirifiques avec l'Irak. Affaire oblige, à Washington, on a donc fermé les yeux. Une fois de plus, oui. Car je ne parle même pas du caractère dictatorial du régime de Saddam Hussein. Ce qui ne semblait guère hérisser tous ces industriels qui faisaient d'excellentes affaires avec l'Irak. Et il en a été autrefois de même avec l'Allemagne de Hitler. Vous avez raison. Alors sans doute pensez-vous maintenant que j'ai été bien long, alors même que je n'ai pas vraiment évoqué cette affaire de l'attaque de la frégate Stark, que je me promettais pourtant de vous raconter aujourd'hui. Il faut donc nous revoir la semaine prochaine. Avec plaisir. Et vous le verrez, cette affaire qui a permis à Saddam Hussein de piéger les États-Unis réserve son lot de surprises. Y compris donc, avez-vous annoncé l'implication de la France. Et d'une firme aéronautique française parmi les plus importantes, oui. Mais il me faudra aussi parler du spectaculaire retournement de Washington qui se rendra compte soudain qu'en soutenant à bout de bras l'Irak, on a enfanté un monstre. La puissance militaire irakienne. Et pour en venir à bout, ce sera au tour de Saddam Hussein d'être piégé par son meilleur allié d'hier. À samedi prochain pour la suite de ce récit sur la guerre du Golfe et cet incident dont vous parlait Monsieur X. Un livre que vous pouvez consulter, Georges Fleury, La guerre du Golfe, chez Picolec. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous, nous écrire et aussi consulter la liste des livres que nous avons utilisés. Et merci à Valérie, à Yestaraï, Michel, Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après les infos, on se balade avec Denis Chessou.